cépage originel, gage d'une qualité certifiée qui donne naissance au vin IGP Côte de Gascogne, fruit du travail de vignerons passionnés. Le Sud-Ouest est un territoire riche de savoir-faire. L'Europe défend ses terroirs. Campagne financée avec le soutien de l'Union européenne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Bon alors, ils en ont des anneaux ? Quoi ? S'ils ont des anneaux ? Oui, des anneaux de calamar à la romaine. Ah oui, en ce moment, à moins 28%. 4,29€ la barquette de 400 grammes. 4,29€ les calamars ? Il y en a plus que marre. On est mal. Bah, plus que mal, oui. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 10,73€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 15 août. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. À la rentrée, l'envie de se remettre au footing, c'est pas tous les jours gagné. Bah, j'irais bien courir, mais si c'est pour me fouler la cheville... Ouais, peut-être que vous n'avez pas envie de vous fouler tout court, non ? Fini les mauvaises excuses. Chez Decathlon, on a sélectionné une paire de running avec un amorti optimal qui préserve vos articulations. Et pour faire du sport le meilleur allié de la rentrée, cette semaine, les chaussures ASICS Windhoek homme ou femme sont à 50€ au lieu de 80, soit 37% de remise. Decathlon, faire bouger le sport. À tous ceux qui ont ressorti leur ventilateur caché dans le placard depuis un an. À ceux qui d'un seul coup deviennent très sympas avec les voisins qui ont une piscine. Et à tous ceux qui se trouvent tous les étés une passion pour les visites d'église. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur les 6 cônes extrêmes vanille pépites de nougatine Nestlé, soit 2,23€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 août, 3,39€ prix payé, 426 grammes, soit 7,96€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. LTI remonte le temps. Vos meilleurs souvenirs. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. bonjour à tous, bienvenue, merci de nous avoir rejoints, il est midi sur MTI. À suivre le son de Sound of Legend, mais d'abord c'est l'actualité avec Mathieu Bélisario. Bonjour Mathieu. L'actu avec Mathieu Bélisario. Bonjour à tous. Le Burkina Faso et le Mali affichent leur solidarité à la junte militaire au Niger. Une délégation commune aux deux pays est arrivée à Niamey ce matin, une dizaine de jours après le coup d'État. Hier soir, l'ultimatum lancé par la CDAO a expiré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menace désormais d'intervenir militairement pour libérer le président élu Mohamed Bazoum. Une intervention qui dépend également de plusieurs forces occidentales, comme l'explique Olivier Vallée, économiste spécialiste du Niger. Les États-Unis et la France ont un point important. Joseph Borrell est le responsable des relations extérieures de l'Union européenne, est également quelqu'un qui est ouvertement partisan du rétablissement par la force de Bazoum. Donc cette opération va dépendre des pressions de l'Union européenne, des États-Unis et de la France. D'un autre côté, il y a aussi tous les débats internes à la CDEAO. Il y a des partisans de l'action armée et d'autres qui mesurent toutes les conséquences que ça aura sur leur propre équilibre interne. Et j'ajoute que certains pays membres de la CDAO craignent notamment une contagion de la contestation du pouvoir en place. Dans le reste de l'actualité, émotion toujours très forte au Cap d'Agde. Un accident de manège a fait un mort, un adolescent de 17 ans et une blessée grave hier au Luna Park. Le drame s'est produit sur une balançoire géante dotée d'un élastique. Le garçon qui est décédé a violemment heurté l'un des poteaux de la structure. Le vent pourrait être en cause. Une enquête pour homicide des blessures involontaires a été ouverte. Un hommage national sera rendu à Hélène Carrère d'Encausse avant la fin de l'été. L'historienne et première femme à la tête de l'Académie française est décédée samedi à l'âge de 94 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides. Et puis encore du monde aujourd'hui sur la route de vos vacances. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, orange partout ailleurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, fin de cette édition. Très bonne journée à tous. Mathieu, le prochain rendez-vous avec l'actualité sur MTI, ce sera tout à l'heure à 12h30 et ce sera l'actu région. Pour les hits, c'est reparti. C'est Sound of Legend qu'on écoute, Some Kind of Kiss sur MTI.

MTI, bienvenue et bon lundi. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Bonnes vacances si vous avez la chance d'être en congé. Ouh, mais je vois qu'il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles qui sont arrivées pour passer quelques jours parmi nous. Dans la Drôme, l'Ardèche, Vaucluse, le Gard, je vous souhaite tout simplement un fabuleux séjour avec justement plein d'idées sorties pour votre séjour. On aura l'occasion d'en parler. Parmi les rendez-vous, l'actu, ça ce sera à 12h30 et les hits évidemment. On a plein de choses qui arrivent. Voici notamment May Stephens, If We Even Broke Up. C'est pour vous. Sur MT. If you keep wondering if somebody understands, darling, I don't understand you. If you stay awake at night waiting for somebody right, baby, all your karma is you. Like I would never hate you, but only if you want to. So much time. If we ever broke up, if we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the types of things you said. If we ever broke up. J'aurais jamais les mêmes potes que Cobra. Eh ouais, j'aurais jamais le même destin. Aya Nakamura. Solajou, Collector. Souvenez-vous de ça. In the Escalade, saw the W gauge to the valet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. But you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's a mess, think you wanna know. Doesn't matter if you're balling out of control. All that I'm missing is that you treat me right, give me all the things I need. Thought you'd understand, baby, credit cards aren't romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. See inside of you that I really feel, doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. All that I'm missing is that you treat me right, give me all the things I need. Chérie, la TVA est offerte tout l'été chez Gautier, Hémisphère Sud et Éco-Cuisine. Oh, je vais enfin pouvoir cuisiner sans jouer des coudes. Notre cuisine est si petite. C'est le cadeau que tu méritais. Et c'est valable sur table, chaise, meubles, literie, salon. Chaud devant, nous voilà. Vos magasins Gautier, Hémisphère Sud et Éco-Cuisine, 40 avenue de Marseille, à Valence. Voir conditions en magasin. Ah, youpi, on va à Upi. Dans la Drôme? Oui, au parc zoologique. Voir les oiseaux, les lémuriens, les tortues, les suricates, les fennecs. Et son aire de jeu gonflable, son snack et ses aires de pique-nique ombragées, c'est bien plus qu'un zoo. Il y a des animations tous les jours et on peut réserver des stages animaliers pour les enfants. Le zoo d'Upi, le parc haut en couleur. Info sur zoo.upi.com. Si je dis concert au bistrot, quel enthousiasme! Au bistrot 40, les jeudis, c'est concert. De 19h à 23h, concert gratuit avec restauration sur place. Place limitée. Jeudi concert au bistrot 40 à Valréas. Programme sur Facebook, Bistrot 40. Tout l'été, venez vivre les sensations extrêmes de pilotage au karting de la Villedieu sur la plus grande piste d'Ardèche avec son virage relevé. 1 km 300 au volant de kart de 390 cm3 à partir de 6 ans. Mini-circuit dès 1 an. karting-lavilledieu.com 10h-20h, 7 jours sur 7, nocturne le jeudi jusqu'à minuit. Route de Montélimar, RN102 à la Villedieu. Actu, infotrafic, bon plan, emploi, MTI, encore plus proche de vous, l'actu. Bonjour à tous, on commence avec cet incendie à Avignon. Un feu de voiture s'est déclenché ce matin aux alentours de 4h. 6000 mètres carrés de végétation ont été brûlés. À noter qu'une cinquantaine de pompiers étaient encore sur place pour lutter contre les flammes, selon les informations de nos confrères de France 3 Région. L'incendie menace directement le massif de la Chartreuse. Le feu n'a fait aucun blessé, aucune habitation n'a été touchée. Et à ce propos, on vous le rappelle, il est interdit de circuler dans les massifs forestiers du Vaucluse. Aujourd'hui, ça fait suite aux conditions météo et au risque d'incendie jugé très sévère dans le département. Les massifs de la vallée du Rhône, du Petit Luberon et les monts de Vaucluse sont interdits toute la journée, sauf pour les sites qui bénéficient d'une dérogation. Le département, on le rappelle, est placé en orange par Météo France. Les Bouches-du-Rhône voisins, eux, sont en rouge. Dans l'actualité également, un Drômois noyé dans le lac du Bourget. Ça s'est passé hier en fin de journée. Les pompiers ont été alertés par une femme inquiète que son mari ne soit pas revenu. Il était parti faire de la plongée dans le lac avec un masque et un tuba. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ainsi qu'un hélicoptère ont été déployés sur place. L'homme a finalement été repéré, âgé de 59 ans. Il a été déclaré décédé sur place. C'est parti pour 1000 km de vélo sans assistance et sans étape pour cette édition 2023 du Biking Man. Les 150 coureurs s'élancent de Beaumont-les-Valences aujourd'hui. Ils devront parcourir les 1000 km de distance, donc sans assistance et sans étape, avec un dénivelé total de 19 500 mètres dans un temps limité de 120 heures. L'année dernière, c'était Rémi Borion qui l'avait emporté avec un temps total de 48 heures et 50 minutes. Et puis la situation revient difficilement à la normale sur la route des vacances. La région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours placée en rouge par bison futé aujourd'hui dans le sens des départs. C'est orange pour tout le reste du pays. En revanche, du côté des retours, c'est plutôt fluide. La journée est classée verte. Soyez prudents. Ici, vous voyagerez loin, quel que soit le temps qu'il fait. La ferme au crocodile à Pierrelatte vous présente la météo. Un grand soleil et un ciel dégagé pour cet après-midi sur toute la vallée du Rhône, sans exception. Attention à tout de même au vent avec quelques rafales qui pourraient atteindre jusqu'à 55 km/h par endroit. En revanche, côté température, c'est plutôt doux cet après-midi. Comptez 23 degrés à Privas et à Valence, 24 à Aubenas et Bourg-Saint-Andéol, 26 à Avignon et Bolène. La maximale, elle est pour Bagnols-sur-Cèze avec 28 degrés au thermomètre. Excellente journée. On est à notre écoute. Les passagers à destination de la réserve tropicale sont priés d'embarquer immédiatement. Près de chez vous à Pierrelatte, la ferme aux crocodiles. Un lieu d'aventure époustouflant avec plus de 600 reptiles en semi-liberté. Crocodiles, serpents, tortues et plus d'une dizaine d'espèces d'oiseaux rares. Ouvert 7 jours sur 7. Ici, vous voyagerez loin. Info et Reza, lafermeaucrocodile.com. Merci beaucoup. D'autres infos sur MTI. Ce sera tout à l'heure à 13h et ce sera l'actualité nationale et internationale. Les bons plans arrivent pour profiter de cette nouvelle semaine dans nos régions, plein de choses à faire. Et puis côté hit, c'est reparti avec Martin Solveig et Fawzia, Now or Never sur MTI. I've been so caught up lately, thoughts spinning round my head. I should just let go, maybe. Never. d'avance sur les hits. En cette nouvelle semaine dans nos régions, vous avez notamment de vendredi du côté de Sarrian dans le Vaucluse, Cépage et Comédie. C'est au domaine de Chandgu que ça se passe. Un comédie club au milieu des vignes, c'est sympa ça, avec une belle soirée d'humour qui vous attend et donc des dégustations de vin avec modération, évidemment. Voilà, en tout cas, vous avez toutes les infos sur le site ou sur la page Facebook de domaine Chandgu. Voilà, ça se passe ce vendredi. On pense déjà un petit peu à la fin de la semaine et ça ne fait pas de mal. La musique continue pour vous accompagner en cette pause déjeuner. C'est Mentissa que je vous passe sur MTI. On y va pour Mamma Mia. Elle se lève et t'es un rêve ou un mauvais film. Une italienne, il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût, ce mot dans sa poche. Elle a compris d'un Mais malhonnête, Mamma Mia.

Avez-vous déjà goûté au sirop des Gebel? Leurs saveurs sont uniques, à la fraise de Carpentras ou au melon de Cavaillon. Que du bonheur! Visite des ateliers de fabrication et dégustation gratuite, 7 jours sur 7 de 10h à 19h. Domaine des Gebel à Valory, à 5 minutes de la sortie A7, Montélimar Sud. Plus d'infos sur aigebel.fr. Excellent début d'après-midi, merci de nous avoir rejoints sur MTI, il est maintenant 13h. À suivre Tiesto, mais d'abord c'est de l'actualité, on retrouve Mathieu Bélisario. Bonjour Mathieu. L'actu avec Mathieu Bélisario. Bonjour à tous, toujours l'incompréhension au Cap d'Agde. Un jeune de 17 ans a perdu la vie ce week-end dans un accident de manège à Luna Park. Il s'agissait d'une attraction de 60 mètres de haut qui propulse les fans de sensations fortes à près de 110 km/h. Une autre victime, une jeune femme, a également été prise en charge par les secours. Ses jours ne sont plus en danger désormais. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Mais alors, qu'en est-il de la loi et de la réglementation pour la sécurité des manèges, Pauline Saint-Yves? Tout d'abord, il faut savoir que les manèges sont sous mis à des contrôles stricts. Il y a d'ailleurs une loi qui, depuis 2008, encadre la sécurité des manèges et leur installation dans les fêtes foraines ou dans les parcs. Les manèges sont classifiés en différentes catégories selon leur degré de dangerosité. Les attractions à sensations fortes doivent être contrôlées tous les ans et ce sont des organismes accrédités par l'État qui s'en chargent. Des accréditations qui doivent être régulièrement renouvelées. De son côté, l'exploitant du manège a le devoir de vérifier chaque jour les points de sécurité sur ses manèges. Enfin, le constructeur de l'attraction doit également assurer une maintenance après un certain nombre d'heures d'utilisation. Et dans le cas de l'accident au Cap d'Agde, eh bien, la question des conditions météo se pose. La tramontane soufflait jusqu'à 80 km/h le soir du drame. L'enquête se poursuit. Nouvelle fusillade à Marseille, on vient de l'apprendre. Au moins une personne a été blessée par balle. Les faits se sont déroulés ce matin dans le 2e arrondissement. Pas plus d'informations pour le moment. Dans le reste de l'actualité, fin de l'ultimatum au Niger lancé par les membres de la CDAO. Il a expiré la nuit dernière à minuit. Les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest menacent désormais les auteurs du coup d'État d'une opération militaire. En réponse, les putschistes ont fermé l'espace aérien du pays. Et puis un mot de foot avec le mondial féminin et les Anglaises qui viennent d'arracher leur qualification en quart de finale après leur victoire au tir au but face au Nigeria. Demain, place aux Bleus opposés en huitième de finale aux Marocaines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On reste ensemble pour un prochain point d'information. Merci Mathieu, le prochain rendez-vous avec l'actualité sur MT, ce sera tout à l'heure à 15h. Bon début d'après-midi à tous, un bel été, belles vacances, avec justement plein de bons plans pour profiter de ces vacances dans nos régions. Je vous proposerai des idées sorties tout à l'heure. Pour les hits, c'est reparti avec Tiesto, c'est Drifting sur MT. We'll be right back.

MTI. Et merci de nous avoir rejoints. Merci de nous avoir choisis. Plein de jolis rendez-vous du côté de l'Ardèche à Beauchastel. Hein. Vous avez demain les mardis perchés. Voilà, ce sont des concerts dans le vieux village au théâtre de plein air. Le lieu est fantastique et ça promet donc un beau moment avec de quoi se restaurer sur place. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Beauchastel pour en savoir plus. C'est demain le rendez-vous les mardis perchés. MTI, ravi de vous accompagner avec encore plein de choses à écouter ensemble. Ça se passe maintenant avec Olivia Rodrigo et ses Vampires sur MTI. Satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Straight. princesse, oh. Au mille maquillots, à sale, faut payer les poulets, oh. L'argent est fini, en tout a changé de côté, oh. Waribana, elle a changé de copain, oh. 102.1. Là, c'est le tiroir à petite cuillère. Et là, celui à grande cuillère. Là, l'étagère à passoire. Et juste là, celle à entonnoir. De la place pour les bocaux, là. Et de la place pour le robot, là. Et là, là, c'est votre futur Cuisinella à partir de 2500 euros. Cuisinella, là, c'est chez vous. Cuisinella, là, là, là, là. Prix conseillé TTC sur modèle Move hors pose, livraison et électroménager. Voir conditions en magasin. Cuisinella Vaison La Romaine, route de Nyons, face Intermarché. MTI survole par ses ondes les beaux villages du Nord-Gard. Un détour par Éguez, La Roque-sur-Cèze, Barjac. Et tu découvres les plus beaux villages de France au son de MTI. La radio du nouveau son. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all. Your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. High highs, low lows, I'm feeling every emotion. We toxic, Lord knows I can't see it all. You're distant, but too close. On the other side of the ocean, we're too deep to be shallow. And I, you can't lie. When love sucks, it sucks. You're the best and the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I love the way you use them lips. When you talk, talk, talk, bitch. Back and forth, we taking leaks. Good things don't come easy, babe. Lies on top of lies, on top of lies. Lie that body right on top of mine. Love to hate to love you every time. Nah, yeah, yeah, you can't lie. When love sucks, it sucks, it sucks. You the best and the worst I had. But if you there when I wake up, then it's not so bad. It's not so bad. Vous avez choisi MTI, bienvenue. Bel été, belles vacances avec MTI. Bon, si les vacances sont terminées, on espère que ça s'est bien passé, que vous revenez avec plein de beaux souvenirs. Si vous êtes actuellement en vacances, on espère que vous en profitez pleinement. Et puis si vos vacances, c'est pour bientôt, ben voilà, il n'y a plus qu'à patienter un petit peu. Ça fait partie aussi du plaisir des vacances, hein, de les attendre avec impatience. Allez, plein de choses pour vous cet après-midi sur MTI. Les bons plans de retour très vite et les hits aussi. Ça se passe avec Imagine Dragons et ses Waves. future, I'd rather be here thinking about the now. Cause this breath could fade fast, and this day could be your last. Je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des coups, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. MTI, bienvenue. Bel été, belles vacances à tous. Alors, c'est quoi le programme de l'après-midi? Baignade, balade, découverte. Peut-être, je ne sais pas, une petite dégustation aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, à vivre, à découvrir dans nos belles régions. Que vous soyez dans la Drôme, l'Ardèche, au Vaucluse ou le Gard, on vous souhaite le meilleur des étés. Bien branché sur MTI, évidemment. Avec, pour les Heat King Serenity, c'est tout de suite, c'est All For You sur MTI. Je te vois whiny, tu parles à mon corps. Mets le feu, t'embadis sur le dance floor. Laisse-moi jouer de la percu sur ton bamba. Me laisse pas solo, I am losing control. Je te veux sur ma moto, juste pour moi solo. Latest design attack, get it for you. Que conmigo tú estás bien. Veux-tu de nous? Dueño de mi corazón. I do, what can I do? Pour toi, je ferai tout, tout, tout. Maldigo el tiempo sin tu amor. Oh. pour toi, je suis prêt à tout. C'est les gars. Dime, dime dónde estás y dile, dile que me quieres más. Y dicen, dicen que no va a durar como Shakira y Piqué. Cuando tú no estés bien, llama al celular 911. Si estás triste, sin mí te paso a buscar. Latest designer, get it for you. Tranqui, conmigo tú estás bien. Mama, veux-tu de nous? Dueña mi corazón. I know what can I do. Pour toi, je ferai tout, tout, tout. Digo el tiempo sin tu amor. Pour toi, je suis prêt à tout. C'est les gars. Sin mí te paso a buscar. Me laisse pas solo. I am losing control. J'te veux sur ma moto. Juste pour moi solo. C'est les gars. Some shit, yeah, yeah. Always been a little mathematician. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my ass? Boy, you ain't shit but a bitch with a badge. All my life, they trying to keep me down. They be trying to keep me down. All this time, all this time, thought I'd make it out. Never thought I'd make it out. No, no. They couldn't take me. They couldn't take me. No. All my life. All my life. They be trying to keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. No, no. I'm the voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that still undeployed. I know a felon who trying to get void. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they was chaining me up. And you know that I'm famous as fuck. See how you gon' joke about stimulus, but they really had came in the clutch. I know some kids wanna hurt themselves. Stop trying to take drugs, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health. But all my life, all my life, they be trying to keep me down. All this time, all this time, never thought I'd make it out. No, no. They couldn't take me. They couldn't take me. No. All my life. All my life. Keep me down. First generation ghetto nigga. Cold world, hello niggas. Made it out of the city with my head on straight. Niggas keep shooting up the let out. Yo, enjoy the pill, gotta get out. Cause the shit that I spit out is a cheat code, like I'm facing a Rico. And how a nigga put a hit out. And another one, and another one. I got like 100 of them. About to lap niggas, so they think they ahead of me. But I'm really in front of them now. Some of them fumbling they bad. Fucking up the little crumbs that they had. A reminder to humble yourself. This shit could be gone in an instant. Me, I'm running long distance. All pistons, fire. I've been stuck between maybe retiring and feeling like I'm just not hitting my prime. These days, seen rappers be dying way before they even getting they shine. I never even heard a little buddy till somebody murdered a little buddy. Now I'm on the phone searching little buddy name. Got a play in his tunes all day in my room. Thinking, damn, this shit wicked to get their names buzzed. Some niggas just gotta go lay in a tomb. And media thirsty for clicks. I got a new rule. If you ain't ever posted a rapper when he was alive, you can't post about him after he get hit. It's simple. It's the principle. On any tempo, I'm invincible. Don't even rap. I just vent to you. I'd rather that in an interview most days. Fuck them all like I'm going through a whole phase. Young niggas shoot out the whip like road rage. I pray all of my dogs stay so paid. And the only thing to kill them is old age. All my life, all my life. They be trying to keep

Yeah. The plan is to put the rack game in the trunk. Uh-huh. I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. Now shorty say she feeling my style, she feeling my flow. Uh-huh. A girl from Woody, they buy and they ready to go. I'm getting club. Bottle full of bulbs, look, mommy, I got the head. Sipping in to take a drug. I'm in the habit, set, I ain't into making love. So come give me a hug, give me in to get it rough. You can find me in the club. Bottle full of bulbs, look, mommy, I got the head. Sipping in to take a drug. I'm in the habit, set, I ain't into making love. So come give me a hug, give me in to get it rough. My flow, my show brought me the dough. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My jaw get the pumping in the club, it's on. I'm with my eye at your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. Talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them hate, them watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. They know where we fucking be. You can find me in the club. Bottle full of bull, look, mommy, I got the head. Sipping in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, give me in the getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bulbs, look, mommy, I got the head. Sipping in the taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G-Unit. Au sirop des Gubelles. Leurs saveurs sont uniques. À la fraise de Carpentras ou au melon de Cavaillon. Que du bonheur. Visite des ateliers de fabrication et dégustation gratuites 7 jours sur 7 de 10h à 19h. Domaine des Gubelles à Valory, à 5 minutes de la sortie A7, Montélimar Sud. Plus d'infos sur aiguebelles.fr. Excellent après-midi, merci de nous avoir rejoints sur MTI. Il est maintenant 14h. Et voici Laurine tout de suite, c'est à tout sur MTI. This is not the end.

Avoir rejoint sur MTI. Bel été, belles vacances à tous avec MTI. Il se passe plein de choses dans nos régions. Si vous êtes dans le Vaucluse, du côté d'Apt, demain vous avez le marché potier. Voilà, ça se passe demain tranquillement de 9h à 19h, hein, toute la journée, à l'ombre des arbres du jardin public d'Apt, avec des démonstrations, des animations. 35 potiers et céramistes vont vous présenter leur travail. Il y a des animations tout au long de la journée. On y va quand on veut, on en profite, on passe un bon moment. Et c'est bien là l'essentiel. Terredeprovence.org, si vous voulez en savoir plus. MTI, les choses qu'on fait. Eh ben nous, on a des choses qu'on écoute, de belles choses. La chanson de Vita notamment, c'est maintenant sur MTI.